Je fais danser les photos. Ma route tourne à chaque son tour. J'aurais pas eu de chance, non, j'ai juste été lourd. Leur album, je l'ai trouvé cousu cousa. Je t'ai de l'élite, toi comme Alex Sosa. Ramène des lico, je les fuck en plein jour. J'ai éteint mon bigo, j'enregistre au four. Aujourd'hui, elles veulent me faire l'amour. Va poser sur un beat, pas de calembour. Des hommes d'affaires et des voyous autour. Et à chaque nouveau hit, j'peux refaire un tour. J'suis au club soda, Jack Daniel et les coca. J'tape dans la coca, jamais dans la coca. Casse les lits, faut lever le pied. Les mains dans les pieds, pas de sous-métier. Nigga, ouh ouh ouh. J'mène le jeu, j'fais danser les photos. La route tournoie à chaque son tour. Je n'ai pas eu de chance, non, j'ai juste été lourd. Leur album, j'l'ai trouvé cousu cousa. Je t'ai de l'élite, toi comme Alex Sosa. Ramène des lico, j'les fuck en plein jour. J'ai éteint mon digo, j'enregistre au four. Elle fait la go qui connaît pas Charo quand je la baisse. Elle chantonne mes mélodies posées au Phuket avec mes Qataris. On fait du piste, j'élargis ma panoplie. Oh Maria, dis Maria, je serai en garde avec le jour du mariage. Dégage de la vilaine fille, j'ai fui du télo quand je t'ai vu sans maquillage. Ego c'est si fou, c'est violent comme les hommes. Comment je vais mailler, c'est comme ça que je me questionne. Chez toi t'as dealé, chez toi t'as volé, chez toi t'as cogné, mais chez nous t'es personne. J'en ai rien à foutre, savoir le chiffre d'affaires, parlons oseille. Parle-moi du bénéfice. Je fais des concerts, je fais le tour de la terre, je dors à l'hôtel. Et ma femme me fait des crises. Ils diront que la nuit ça porte conseil. Mon comptable aussi, wallah pilaille. Pour baiser le game, j'ai enchaîné les joints. Et j'ai manipulé les syllabes. Gamos puissant, tu sais ce qu'il y a dedans. Demain, je ravitaillerai tout le bendo, bande de bouffons, jouez pas les bandits. C'est moi qui baisse le rap les yeux bandés. J'vous emmène. J'mène le jeu, j'fais danser les photos. La route tournoie à chaque son tour. Je n'ai pas eu de chance, non, j'ai juste été lourd. Leur album, j'l'ai trouvé cousu cousa. Je t'ai de l'élite, toi comme Alex Sosa. Ramène des lico, j'les fuck en plein jour. J'ai éteint mon bigo, j'enregistre au four. Ils veulent me socater, c'est motherfucker. J'fais très peu de collab, j'suis le connard local. Bébé, tu veux foca devant elle moca. Attends, j'fume une hookah avec mon avocat. Ils ont volé des pistes, pas un lâche en fuite. Porte un peu ta bite, n'invente pas de fuite. Non coupable, on peut décer voyou en cornet. Fais attention, PD, coup de fusil au cornet. J'ai les clés de la ville, étrange scénario. Monsieur le maire est mon ami, j'mange avec Dario. Partie de rien avec mes amigos. Toujours avec les miens et toi, hasta luego. J'mène le jeu, j'fais danser les photos. La route tournoie à chaque son tour. Je n'ai pas eu de chance, non, j'ai juste été lourd. Leur album, j'l'ai trouvé cousu cousa. Je t'ai de l'élite, toi comme Alex Sosa. Ramène des lico, j'les fuck en plein jour. J'ai éteint mon bigo, j'enregistre au four. Claire, tu peux péter, on va dans la cova. Dans l'état séquence, c'est un Range Rover. En paix sur la lune, aide-moi, j'ai au vent. En danger était la terre, mais il a sauvé.